Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM dans les alentours de Toulouse, France. Je suis à l'instant arrivé donc pour vous annoncer donc les 21h10 du vendredi, qui constitue donc le début de l'émission de nuisance du quelle date on est 20, 15, 23, du 20 mai 2011. Il est donc, comme je vous disais, 21h10, et vous aurez l'exceptionnelle chance de m'avoir comme co-auditeur de cette fontaine, par exemple. Ah, ce n'est pas la fontaine, c'est autre chose. Donc je vais chercher la fontaine en attendant, vous avez donc autre chose à écouter. Ça y est, j'ai trouvé la fontaine. Bon, bah, vous avez eu autre chose à écouter pendant environ 4 secondes, 50 centièmes. Nous allons donc passer à la fontaine de Chaillot. La fontaine de Chaillot, donc un site à visiter tout au long de l'année, en famille ou non, seul ou non, à poil ou non. Comme vous pouvez l'entendre, la fontaine de Chaillot coule. Et le micro Larsen. Toujours un souci avec ce matériel donc pornographique, pardon, débilitant. Vous entendez la fontaine. Ah, vous l'entendez à droite maintenant. Après l'avoir entendu à gauche, vous l'entendez à droite, sporadiquement. Nous sommes donc en présence d'un fluide. Le fluide à queue. À ne pas confondre avec un bordel à queue. L'humour est de pair avec cette émission, donc nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Donc toujours cette alternance gauche-droite. Vous aurez la chance d'observer cette alternance gauche-droite sporadiquement éparpillée dans toute la durée de cet enregistrement. En plus de l'eau que vous entendez couler, vous avez la chance d'entendre d'autres choses qui ne s'écoulent pas. Plutôt qui ne s'écoutent pas. Nuire, nuire, toujours nuire, eh bien faisons-nous plaisir en nuisant. En nuisant la nuit. Ou le jour même. Ce que je dis, c'est vrai. La douceur va donc avec l'été, le printemps, les belles fleurs, la douceur quoi. Donc à la santé du grand épagneul breton. Sa santé ou presque. donc à la santé de la mort de l'épagneul breton ce matin, dans les nouvelles actualités d'info. Vous êtes donc également sur le canal sud.net Webien. J'espère que vous n'avez pas d'ouïe. Une telle beauté de musique me donne envie de chanter, donc je vais vous chanter la Traviata en espagnol, inversée d'une déblatération. La Traviata, déblatération, inversion, déblatération, la Traviata. Bon, c'est fait. Nous sommes donc un but de notre personne dans cette émission, et nous haïssons la gent humaine, la sale race. Notre sale race. Je fais donc partie d'une clique extraterrestre qui est venue pour nuire... Venu pour nuire aux auditeurs. Quelle horreur. Est absolument incompréhensible, comme à son habitude, l'émission Nuisance ne faillit pas à sa réputation d'être la pire de toutes les émissions de la Terre entière. Allons-nous faire. Ce qui rime avec Terre entière, vous avez bien compris. Quel talent. Pour attirer votre attention, pour vous dire que nous ne sommes pas surhumains, nous sommes humains, donc à mort l'humanité. C'est une question philosophique que nous allons aborder. Le principal thème, la mort, donc. Nous étudierons le quoi et le comment plus tard. D'abord étudions le qui, donc la mort. Anthropomorphisme, s'il en est un. S'il en est un. S'il en plomb d'ailleurs. Je m'en fous. Entendons des caquetages incessants en fond, l'eau toujours pissotière. Au tiers de la pervenche, bien sûr. La logique Anna. Permettrait pas de déblatération, mais pourtant il y a une oblitération qui se tantoise en permettance. J'espère que vous avez bien compris. Dernier mot. Ou devrais-je dire donc permissive réaction ? Permet donc de réagir à la souffrance en souffrant. Donc. Quelle béatitude. Ne cherchez pas la cohérence, vous ne trouverez que l'incohérence, n'est-ce pas ? Se laisser imprégner donc par tant de beauté, de grâce. Oh oui, oh oui. Finir cramé comme ma cramé ou mal cramé. Comme je disais, le mal est partout. Il est laid et il est donc le lait partout. Gloom. yeah, oh yeah. Gentes hommes et gentes âmes. Vous êtes condamnés. Je suis désolé de vous l'apprendre. Vous allez mourir, oui. Si tôt. Sûrement trop tôt. Ne pas confondre avec Toto. Donc Toto va à l'école, ou Toto coupe sa saucisse en deux, ou Toto lèche les burnes du prof. À ne pas confondre donc. Avec Toto. J'espère qu'à ce stade, vous ne comprenez absolument rien de ce qui se passe dans les studios de cette radio associative donc libre que vous pourrez trouver donc comme je l'ai dit tout à l'heure sur le 92.2 FM ou le canalsud.net. J'espère que vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe. Le but étant atteint. Je peux donc éteindre cette stupidité qui passe pour de la musique et vous expliquer donc l'intention derrière tout ce fatras d'immondices et celui de vous nuire. L'émission s'appelle tout naturellement Nuisance. Oh yeah, this is beautiful, man. This is fucking beautiful. You know you've got something here. You got money to make. You're gonna become a fucking star, stupid dumb shit. I love you so much. Fuck me, please. À traduire, allez-vous tous vous faire refaire un nez plastique. La question suivante, de savoir si ce stick qui était dans ta poche était-il plat, ou était-il avant, je veux dire, plat, ou l'est-il à présent parce que tu l'as gardé dans ta poche, donc le stick plat, le plastique. Parlons de stick, je parle bien sûr de bâton de colle U1 que l'on trouve dans tous les supermarchés de grande taille. Vous pouvez aussi acheter de la colle scotch pour la sniffer en cachette de vos professeurs ou subrepticement. L'enfoncer dans le nez et appuyer sur la gâchette. La colle, donc, comme je vous disais, scotch. Je ne vais peut-être pas dire de marque, excusez-moi pour le scotch. Je n'ai pas trouvé de bon. Ou je n'en ai pas les moyens d'en trouver, je veux dire. Ainsi donc, vous entendez un exemple de musique complètement atrophiante. Quelle atrocité. Je dois vous avouer que vous n'avez pas de conscience de ce que vous écoutez. Tellement c'est à chier. Pardon, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas en C. Donc je vais retirer ce que je viens de dire en disant quelle bêtise, quel sel cette musique. D'ailleurs, musique est le terme vraiment approprié pour insulter ce son. Donc créé de toutes pièces par des imbéciles heureux ou malheureux d'ailleurs. On voit pas la différence. Imbécilité, il y a en ce son nuisant donc pour l'éternité. Bon, ainsi finit l'éternité, allons tous nous faire. Donc je ne peux pas rimer encore, je vais trouver une rime, j'espère vous la communiquer tantôt. Ou tanti, tutti quanti. Atrophie cérébrale à défaut de atrophie nasale. Vous entendez toujours l'eau couler en fond. Vous l'entendez là? Oui. L'eau coule sur les ponts. On n'a qu'à demander aux Japonais. L'eau coule sur les ponts. On n'a qu'à demander aux Français. L'eau coule sur les ponts. C'est la fin du monde, peut-être. Faut-il espérer la fin du monde ou faut-il la souhaiter pour l'avoir? Que sais-je? Après tout, je ne suis qu'humain. Je ne sais absolument que dalle, à part ce que je sais, donc je suis donc humain, donc je sais que je suis humain, et donc je sais que je suis humain, et donc je ne sais absolument rien, à part le fait que je suis humain, c'est le fait, est-il qu'il y a, oui. Non, vous ne pouvez pas comprendre un langage atrophiant, toujours imbécile temps. Bienvenue à la Terre, vous vous êtes déjà de l'âme. Non, je ne peux pas le dire. Demain, peut-être. Demain. Toujours l'eau qui coule. Dans la fontaine de Cheyou. J'espère que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. J'espère que vous n'entendrez rien. Rien à part mes reins qui lâchent en pissotière. Donc hier, comme je vous le disais, j'étais au bord de la Garonne, à Toulouse, donc France, et je me suis dit merde. Oh, devrais-je dire putain, peut-être. Peut-être mince ou zut ou fichtre Dieu. Eh bien justement, parlons-en. Dieu m'a donc dit, tu es l'élu. Je n'ai pas compris son orthographe. Élu. Je suis donc une femelle, je ne le savais pas. Donc j'ai dit à Dieu, Dieu, pour vérifier, s'il te plaît. Dieu a dit oui. Alors à ce moment-là, j'ai baissé mon pantalon et j'ai chié dans la garonne. Naturellement. Et c'est à ce moment précis qu'un mec est passé par là et m'a dit... Merde. Je ne lui ai pas répondu. Ne s'agissant pas d'une question, je ne savais pas quoi dire. Je fus ébahi par tant de clarté et d'honnêteté de sa part. Quand je dis honnêteté, je viens dire fatra d'immondice. Transparence, au choix. Ensuite, je l'ai empoigné, je l'ai embrassé sur la main, je lui ai dit « Bébé, tu es à moi, j'ai pris trop de MD ce soir, s'il te plaît, baise-moi ». Cette personne a donc refusé en me frappant avec un gourdin. J'ai un œuf sur la tête à cause de ça. C'est absconce a éclaté et au moment précis où il me frappa sur la tête, ou elle me frappa sur la tête, je ne me souviens plus très bien, étant donné que le personnage était habillé dans un bleu profond, profondément bleu, donc ce bleu, de travail. La personne en bleu donc m'a frappé à plusieurs reprises, et je lui ai dit « Vas-y, salope, baise-moi avec ton gourdin ». Cette personne a donc dit, rétorquer, je veux dire, pardon, « Va te faire enculer, espèce de sale macaque ». Je lui ai dit, je ne suis pas black. Sur ce, il a dit, tu es peut-être un blanc, mais tu es un gros blanc. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. À ce moment-là, la personne en bleu m'a dit donc d'aller me faire voir chez les immondices fatracides, dont je fais partie. Je suis donc un fatracide. Crack. C'est donc le craquement d'un fatracide que vous venez d'entendre, derrière l'eau, devant. Si vous n'avez pas encore envie d'uriner, vous avez encore 17 minutes pour avoir envie d'uriner, donc profitez-en bien. De l'eau, toujours de l'eau qui coule sur les ponts. Et oui, souvenons-nous de Vaison-la-Romaine, par exemple. Je viens de faire une inversion de polarité dans la spoliation. Nous sommes donc de la merde. Anti-humanisme, s'il y en est un, c'est bien dans cette émission que vous le trouverez. Anti-humain, oui, j'en suis un. C'est pour ça que je suis anti. Anti-raison, peut-être. Ou serait-ce tout simplement de la déraison. De la folie, quoi. Je ne vais pas être hostile à mes auditeurs et mes auditrices. Vous êtes bien les seuls qui m'écoutaient en ce monde. Vous êtes donc les seuls qui m'écoutaient en ce monde. Je n'ai donc rien à dire, alors à part vous dire des conneries, je vais donc dire des conneries. Ou rien. Des conneries ou rien. préférez-vous? Vous n'avez pas le choix. Je sais, c'est triste. Vous aurez donc l'obligation de changer de chaîne. Dès que vous ne pourrez plus entendre cette eau qui coule sur les ponts, par exemple. Le téléphone de Canal Sud, qui est le 05 61 53 36 95, ne sonnera pas car il est décroché, alors n'appelez pas. Et si vous vous tenez absolument à contacter les gens de Canal Sud, dont l'association dont je fais partie, entre autres, membres, je veux dire, eh bien, vous pouvez toujours écrire au canalsud@canalsud.net si je ne m'abuse, ou un truc comme ça, allez voir sur le site canalsud.net si vous n'y êtes pas déjà. Allez. Vous trouverez entre autres plein de trucs absolument, et oui, et des choses aussi sur ce site. Donc je vous invite à le visiter pour nous faire de la maille avec la publicité, s'il vous plaît. Nous vendons des tampax et aussi des soutiens-gorge féminins, donc non masculins. Nous sommes également dépositaires d'un brevet, un brevet HDT, donc Ultra Défense Tierman. Donc nous sommes habilités à vous faire des picus toutes les heures si vous voulez vraiment mourir. Une picouse toutes les heures. Pendant à peu près 28 heures. La 29e sera la dernière, la 29e heure, 100 ans. Je suis donc le docteur Halal, qui va vous habiliter à donner des piqûres aux gens. Oui, offrez les piqûres aux gens, en prenant le plaisir, donc le plaisir du bonheur, le bonheur subtil du stoïcisme épicurien, s'il en est un. En même temps, je ne savais qui avait inventé le stoïcisme, donc je cherchais le nom de Monsieur Stoïque, mais je n'ai pas trouvé, donc l'épicure c'est plus facile. Je vous invite donc à lire tous les ouvrages d'Épicure et surtout sa lettre à ses fils sur son lit de mort, stipulant que le plaisir avec modération est une bonne chose avec modération, mais qu'un plaisir sans modération est une mauvaise chose car sans modération. Donc vive le plaisir ou la souffrance, tant que c'est fait avec modération, ça va. Donc, en parlant de souffrance, je vous invite donc à entendre ces sons flatulents. Un instant de plus. Sous les ponts, ou sur les ponts, comme à Vaison-la-Romaine, ou à Fukushima, ou je ne sais quoi, comment ça s'appelle cette horreur humaine. Donc toujours gloire à l'humanité tout entière. Gloire à nous. Gloire à On, le fameux On. Je vais à présent vous interpréter une chanson de mon cru. Allons tous sur la mer, danser sur un bleu verdi par la pollution des algues. Allons donc tous. Bon, c'est bon. Je vais réitérer ma tentative. Donc, allons tous nous pendre sur un bateau dans les azurs bleutés ou verdis par la pollution atmosphérique. Comment lancer une chaîne à la mer? Enchaînez-vous, renchaînez-vous, qui disait. Toujours la tradition du fameux RO de l'émission Nuisance. Il est 21h37, bienvenue si vous venez d'arriver. Toujours autant la merde sur Terre, pour les humains qui puent du cul. Pour les autres, par contre, le bonheur est dans le pré. Pré de vache, comme le pie qui pisse sur la pissotière, toute ronde, toute ronde. Et elle tourne, elle tourne. Quelle fantastique Madeleine de Proust tu nous fais là. Penses-tu à quand tu étais enfant et que tu pissais dans la pissotière bien ronde, qui tournait? Ou étais-tu juste bourré quand tu as inventé ce verre? Vers qui toi-même, que je lui dis. Et c'est à ce moment-là que l'incohérence toujours régna en maîtresse de l'azur et du vert dur, bleuté sur la pissotière. Rappelez-vous, la pissotière. Que j'ai enrayé les scuds, donc les scuds vont tourner en vrac pendant à peu près 3 heures. Il me reste 1 heure et 23 minutes, ou 22 minutes plutôt, et quelques secondes pour vous annoncer la fin du millénaire prochain. Donc à la fin du millénaire prochain, ce sera la fin du monde prochain que nous connaissons déjà. Sauf que déjà, nous sommes déjà morts, alors que les cons sont damnés. Qu'allons-nous faire, à part devenir peut-être cons pour nous damner les uns les autres? C'est quand tu nous tiens. Nuisance, donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'émission, Nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin, non pas au début, c'est une émission donc tendance bruitiste je vous présente depuis à peu près 3 ans, 2-3 ans et demi, je ne sais combien de temps, ce importe peu. Cette émission donc à tendance bruitiste, vous en. Non, je ne vais pas aller par là, il n'est pas encore 22h, donc je suis censuré à foise. Je ne vais donc pas critiquer quoi que ce soit, donc je vais être politiquement très correct. Nous sommes heureux de vous présenter le bruit à l'état solide, liquide, et puis merde, sonic, nique, sonic, oui. Nous vous présentons donc le son à l'état sonic. Découvrez la matière sonique dans toute sa dévoyure, dévoyeurisme, je ne sais que dire. Je vais donc dire des conneries comme d'habitude, car l'émission Nuisance s'est spécialisée dans la connerie accentuée par des temps forts que vous aurez l'occasion d'entendre tout au long de ce quart d'heure relatif, car c'est une métaphore pour dire 2h, 21h, 23h, Nuisance, au canal 4.2. Tu comme c'est une émission brutiste, c'est bien sûr éminemment futuriste comme approche. Vous entendez donc dans l'avenir le cataclysme nucléaire qui pend à notre nez. Voilà, vous l'entendez. Et vous entendez donc l'eau radioactive qui coule en crapotant. Salope, elle me crame toutes mes clopes. Cette sale eau. Oh, cette sale. Oh. Cette sale. Oh, et sale. Oh. La poésie est toujours de ce monde, n'est-ce pas? Nous n'avons pas découvert la vérité. Aide-nous à découvrir la vérité. Eh bien, la vérité est en toi, Seigneur. N'est-ce pas? Oui, mais nous ne savons pas ce qu'est la vérité. Je suis le Seigneur, mais je ne sais pas ce qu'est la vérité. Eh bien, barre-toi. Barre-toi. C'est ce que je vais faire. Eh bien, fais-le. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, fais-le. Bon, d'accord. Je vais le faire. Attention, je vais le faire. Mais barre-toi. Barrez-vous, Seigneur. Barrez-vous. Le Seigneur est donc dans sa cellule capitonnée, isolement s'il en est un. Devrais-je dire s'il y en a un. Ou deux. Comment on peut avoir deux isolements? Un isolement, ça suffit, non? Pour mieux deux que une. Ça veut toujours servir une paire d'isolements. Ça peut vachement servir, une paire d'isolements de plus. Allez, plutôt quatre isolements que un. Mon dieu, les loups-garous sont sortis, ils m'attaquent. Je vais donc mourir. Sitôt. Dit. C'est pas fait, bordel. C'est pas encore fait. Ah, ça vient. Attaque pas. Attaque pas, j'ai dit. Attaque pas. Pas encore compris, je suis donc le producteur de cette émission la plus pourrie au monde entier et j'en suis assez fier, j'avoue quoi. Au fond du sac, toujours un trou. Vous croyez que je vais vous épargner l'eau pendant toutes ces heures? L'eau qui coule sur les ponts, le jour de la fête des morts, le jour de la fin du monde, tel que nous le connaissons. Eh bien l'instant fatidique, like a fatty dick up your ass is here, est là. Oui, l'instant fatidique est là. Nous sommes en présence du Seigneur saignant et il nous couvre de sa grandeur. Les prophètes prophétisants sont toujours aussi déblatérants, et les âneries, Ian, sont toujours là. Elles me rendent lasse, car je suis une femme intérieure de moi, et je ne veux pas payer l'opération pour changer de sexe. Donc je vous encule tous avec mon gros membre ou mon petit membre, qu'importe. Tant que membre il y a, je vous radioactivise avec mon sperme. Radioactif donc. Les ondes gamma vous couvrent entièrement de purulence et de flatulence, vous êtes pris. Vous pétez de joie, vous pétez de tristesse, vous pétez, flatulence, oui. C'est la définition de flatulence, péter. Comme roté est la définition d'éructance. Éructance, donc toujours éructation de la nobilité. La noblesse oblige, je suis donc un sang bleu, car j'ai le sang bleu comme un stabilo bleu. Un Véléda, même. Même qu'on peut effacer mon sang en me mentant. Ou en mentant à mes pères. Zépère. Et c'est que... Yo. Yo. Yuxia. Yo. Zogada. Ouda, tchop tchiko. Tchop tchiko. Tchop tchiko. Tchop tchiko. Alors, à ce moment-là, je lui ai dit non, je ne vais pas le faire. Et il m'a dit, mais tu n'as pas le choix. si tu veux survivre dans cette patrie fratrique, eh bien, il va falloir travailler, une espèce de tâche. Tu n'es qu'un immondice, valeureux certes, mais immondice quand même. Alors va travailler, va gagner des sous-sous pour être riche et te taper des puputes en payant. Sale merde. Oui, je précise le sale merde car c'était dans ses yeux. Il m'a regardé, elle m'a regardé en me disant sale merde des yeux et j'ai compris ce qui se passait. Il se trame un complot international sur la tête des gens libres. C'est égaux en droit. Les gens non libres et non égaux qui se comportent en comportementalistes ou en compétitionnistes vont se créer la vie dure, mais à nous aussi. Alors pourquoi voter, espèce de tâcheron, vous votez toujours pour les mêmes? Et à ceux qui disent que rien ne changera jamais, c'est toi qui ne changeras pas. Pauvre vieux. Ou vieille. Can't teach an old dog new tricks, can you? You gotta show it the tricks. The tricks to the treats. The sweets to the sweet. You gotta find out what it is, you know what I mean. You gotta dive inside your wanna being to be something. But you'll never understand what I'm saying, because all you fuckface is all full of shit, and all you do is speak French all the time, and you don't understand English. So fuck off, motherfuckers. I'm the stupidest one of all, because I'm telling you off, because you suck my dick, and I don't give a fuck anymore. So poetry, bless me. I am blessed with a fatty dick. I've got to admit there's something good about it, but I don't know what it is. If only I sought what it was that I found in my big one, my big package wouldn't bother me so much, and I would fuck all night long. But in the meantime, I imagine things like lisping, squirting, plunging, atrophie mentale, du travail, la servitude volontaire. Obéissez, qui disent. Obéissez, vous aurez des bons points, qui disent. Réobéissez, vous aurez encore des bons points, qui disaient. Eh ben, ils ont compris un jour qu'il y avait un problème. J'étais livide, blafard, quand ils me disaient ça, et je préférais le piquer que d'entendre leurs conneries qui me piquent le cul. Et bien sûr, vu que j'étais caché comme le 99% de la population qui se cache en eux-mêmes, qu'ils ne savent pas, je ne pouvais leur dire allez vous faire enculer, sale merde. Et pour une fois, je l'ai dit 10 minutes trop tard. Car c'est bien il y a une demi-heure que j'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire avant pour vous prévenir. Ceci n'est pas une émission pour les enfants. Ni pour les adultes d'ailleurs. Ceci n'est pas une émission pour. Ceci est une émission contre. Vous pouvez l'entendre, la dégénérescence s'accélère. On est en fond de la musique que j'ai couverte avec du bruit, donc du bruit de l'eau, qui ne détend pas car il est mis à l'envers, donc elle est tout souffert, n'est-ce pas? Oh, quelle agression! Mes ouïes sont pleines de foutre. Que vais-je faire de tout ce foutre? Mon Dieu, j'ai sûrement une bonne raison de le cracher. N'est-ce pas? Ainsi l'abonnement du chien, de la chienne, qu'importe. Vive les chiens. Au moins eux ils sont honnêtes avec nous. Ils nous disent rien. Tant mieux. Au moins ils nous mentent pas. Bienvenue. Vous êtes mort. Vous entendez les buzz d'ampli, car vous avez touché un micro qui n'était pas couvert par le blindage. Vous êtes donc mort, électrocuté. Oui, tant pis. Tant mieux. Vous n'entendez à présent rien, à part une voix qui vous guidera à travers les cieux. Voyez le sang rouge ondoyant dans les cieux, donc. Dirigez-vous vers ce sang d'encre que vous faites chaque jour en pensant à votre travail, à votre bonne femme, à votre gamin ou gamine, à votre chien ou chienne, à votre poisson rouge qui n'a pas de sexe, lui. La carpe muée. T'es muée, comme une carpe. Alors, à ce moment-là, je lui dis « Mais va te faire enculer, bâtard !» Et il m'a dit « Mais il n'est pas encore 10 heures, tu vas être censuré. Alors il ne faut pas que je dise enculé en français, il faut que je le dise en anglais. Go get yourself butt fucked, motherfucker !» Et là, ça passe tout de suite mieux. Parce que nous sommes en France, vive la France, zig. Allons, enfants. Le jour de gloire, le sang impur va couler. Oui. Nous avons tué les gens. Nous les tuerons encore et encore. Pourquoi? Pour l'intérêt. Oui, l'intéressement. Parlons-en de l'intéressement. C'est comme le désintéressement, sauf qu'il n'y a pas de dé devant. Donc il n'y en a qu'un, tu vas me dire. Eh ben non, je te dirai, parce que je suis contrariant et directif. Je vais donc te diriger vers une contrariété omnubilante. Celle de ton humanité. Tu fais partie d'une espèce. D'une espèce qui meurt chaque jour de torpeur. Elle se tord dans la peur et ne fait rien. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Je ne fais absolument rien de ce que je sais. Je suis de ceux et de celles qui restent sur leur cul à longueur de journée pour ne rien dire, pour ne pas se faire entendre. Je suis de ceux et de celles qu'on enferme dans des cages pour mieux les regarder crever de honte d'être attrapé, ou plutôt d'avoir été. Oui, c'est la honte d'avoir été un jour qui les omnubile, qui les empassionne, qui leur montre la vraie direction, celle de la souffrance, unanime et équivoque. Ne souffrons-nous tous pas? Apparemment non. Puisqu'il y en a qui le diront, non, je ne souffre pas. Mentent-ils ou sont-ils simplement inconscients de leur inhumanité? Question bruyante, j'avoue. Pour parler de souffrance. Rien ne vaut la musique qui adoucit les mœurs. Oui, la musique adoucit les meurtres. Ne vaut-il pas mieux un meurtre en musique qu'en silence, après tout? Le silence du pantouflard que je suis. À la laisse, la chaîne dans le cul que j'ai. Entendez donc un fatras d'immondices, avec un connard qui fait du bruit, en fond. Vous vous doutez de qui c'est, ce connard, en fond, qui fait du bruit? Connard, c'est moi, ce. Je m'appelle ce parce que je, et que tu, ne vois pas. Alors n'essaie pas de voir, connard, car tu ne verras pas. La vérité n'est pas dans la rime, elle est dans la déprime. Je ne suis pas éloigné du micro exprès pour vous tousser dans la gueule. Hello everybody, hello mama. I love you so much. Hello daddy. Fuck you all. Yeah. Hello mommy and daddy. Fuck you. I love you so much. Yeah, you heard me. Yeah, fuck you. Stupid dumb shit. It's almost 10 o'clock. I'm gonna be insulting your asses all night long. Forever and ever and ever. Il est presque 10 heures, il reste. Oh mon dieu. C'est 10, 9, 8 sur l'horloge Canal Sudienne. 6, 5, 4, 3. Oh oui. 2, 1, allons tous nous faire enculer. Oh, c'est bon, enculer, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a quoi d'autre qui est bon? C'est foutre aussi, foutre, enculer, merde, chier, pourriture et atrophie mentale. Je ne sais pas ce que ça fout là, mais ça a sa place. Atrophie mentale, c'est le bruit de la perception comme odorama, colorama, odorifère, colorifère, allons tous nous faire enculer. Oh, oui, c'est bon, enculer, c'est bon. Faire enculer, c'est encore mieux. Ça évite d'avoir à se nettoyer la bite après. Ou le god. ceinture. Ou non. Ou le double god, peut-être. Disons, enculer en se faisant enculer, ça c'est bon. C'est bon comme la merde qu'on lèche au bout du god, donc du god Miché. Le god Miché que l'on peut trouver dans tous les bons catalogues de la Redoute, sous le nom de Vibromasseur ou de god Miché. Vérifiez, vous ne me croirez pas. Et c'est tant pis. Je n'en ai absolument rien à foutre de personne, ni même que moi. Je n'en ai rien à foutre presque que, visiblement, j'ai encore l'instinct. Je ne pourrai jamais donc m'en débarrasser. Donc, je vais donc aller me faire entuber par moi-même, l'anus, toujours subconscient de l'inconscient majoritaire. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous ne comprenez toujours rien ? Parfait, ça me va très bien, c'est le but est accompli, donc qui ? Donc. Le recul comme avancer, donc. Donc. On peut conjuguer ce verbe donc à l'impératif. Conjugue. Ou l'autre verbe, à l'impératif du singulier, va te faire conjuguer. Je te conjugue, tu me conjugues, ils, elles, on se conjugue. Du verbe donc conjugaisonner, qui n'est pas un verbe irrégulier. Avez-vous bien compris? Qui n'est pas un verbe irrégulier. Deux R à irrégulier. Je vous donc fais la dictée de précipitation, trois petits points de suspension. Ça fait 9 points, oui. Je vous donc encule à sec avec du gravillier, gravillier. Non, il n'y a pas d'accent circonflexe, connard. Le son s'est arrêté, j'entends plus rien. Que vais-je devenir? Je n'ai donc plus de scud pour me couvrir, je vais devoir finir cette émission en disant des conneries pendant une heure encore. Comment vais-je faire? Mon Dieu, viens à mon aide, mon Dieu. Oh oui, Dieu, viens à mon aide. Toi qui es tout, sauf moi, eh bien, fais-le à ma place. J'en ai pas envie. Quelle beauté, vous entendez le do dièse dominante majeure septième en fond d'un septième de dominante accentué par une quinte juxtaposée à la quarte. Quelle beauté. Un triton se trouve au fur et à mesure du Diabolicus in Musica. Et toujours en cette permanence irritante, vous trouverez un écoulement de nasal omnipotent dans l'atrophie mentale de ce deuxième participant. Sous-entendu, nous sommes tous, oui tous, et toutes, oui toutes, des imbéciles. Des imbéciles, I-M-B-E-C-I-L-E-S, j'ai pas le temps de t'expliquer, écrit. Point. Le 12e participant, donc, comme le 3e homme. The third man. Oh my god. It's full of shit. En fait, c'est une tradition, donc une tradition occitane, on est à Toulouse. C'est une tradition occitane de roter dans l'émission Nuisance, donc l'émission de toutes les nuisances, vous avez bien compris. J'aurais dû dire éructer, mais c'est après 10h, donc je me permets toutes les enculeries. Prout. Vous comprenez bien, pour l'hygiène et pour d'autres raisons, je ne vais pas flatuler sur le micro. Non, je répète, je ne vais pas flatuler, oui, c'est ça. Sur le microphone, le micro suffira, point, à la ligne, ta gueule. Non, tu n'écris pas ta gueule, espèce de petit enculé. Je suis donc un maître condescendant de cette musique extrême qui est la musique brutiste. Si musique il y a, j'espère qu'il n'en a pas. Car la musique, je chie dessus, c'est entre nous, ceux qui me connaissent comprendront tout à fait le message. Donc je chie sur la musique, oui, tu peux l'écrire si tu veux, tu peux signer si tu veux, oui, allal. Chie sur la musique, et sur tout le monde d'ailleurs, sur moi-même, oui, entre autres. Entre autres, à bon entendure, salut. Bon, ça y est, on comprend absolument rien maintenant, c'est parfait. Le but étant visé et atteint, l'incohérence règne en maîtresse, comme je disais tout à l'heure. Nous ne comprenons absolument rien au son, ni à ce que je dis. C'est parfait. Je vais à présent m'effacer pour vous permettre cette écoute glorieuse que celle de la fatidique réaction. Parlons-en de cette réaction latente qui nous pollue l'esprit. Je m'encule. Allons se faire enculer. Alors, allez, d'ores et déjà fou. Oui, il est démentiellement con. Nous le savions déjà, et sporadiquement bon. Mais subrepticement, il s'infiltre en nous comme une bonne onde. Sauf que c'en est pas une bonne onde. C'est la pire de toutes les ondes. C'est hello, what's me? I will fuck you in the ass. C'est que d'un and I don't give a fuck. No, I just don't give a fuck. Nah, I just don't fucking fuck anything. Nah. Yeah, little baby, I don't give a fuck. I don't care about anything at all. In fact, I don't even care about anything at all. You see what I mean? Ça me laisse totalement indifférent, je suis ton prof et je me suis planté d'une lettre, quoi. Là, t'es enculé, quoi. De toute façon, je te vire si tu le dis à mon patron. Et puis, de toute manière, je suis payé 30% moins que les mecs, alors va te faire enculer, quoi, sale mioche de merde. Je te jure. Ce qu'il faut faire pour du blé, quoi. Dire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas perdre de blé. Le blé, le flouze, la thune, c'est ça qui m'importe. Moi, ce que je sais de la thune, du flouze, du pèse, je suis un bon français, un bon à rien français. Et j'aime le flouze, la thune, oui, vive la France et la thune. L'argent, ça fait le bonheur, oui, la France est la plus belle patrie du monde, va te faire enculer, sale boche. Je suis le français de base et j'en ai rien à foutre de rien, surtout pas des rebeux et des blacks, parce que les rebeux et les blacks c'est de la merde. Moi je suis un bon français et moi ce que je dis c'est que la thune, la flouze, c'est la beauté du monde. Le business avant tout, le business. Mon Dieu, un Larsen, vite, éteindre toutes les amplis, les chaînes, tout éteindre à jamais et à jamais éteindre. Jamais s'éteindre dans le vide absolu, le vide absconce, celui de la néanthropie. Oui, le néant et l'entropie, tu connais pas ? Thank you. mon Dieu, quel bordel de merde. Que j'aime la vulgarité, l'arrogance comme expression de ma sainteté. Oui, l'acceptation du sous-humain en moi. Le vulgaire, l'arrogant, le brut, le bois dépoli. Je cite. La brutalité comme éveil à soi. La violence comme omniprésence de la sainteté, ou devrais-je dire du divin, en soi. Et puis ce qui est bien avec la violence, c'est qu'on peut toujours compter sur l'autre pour t'en faire. Mais... merci l'autre. Merci tellement. Oh tellement, oh merci tellement l'autre, préfet. Qui peut m'enfermer à, donc à double tour. Si ce préfet, donc, se dit préfet, donc... le veut, le souhaite, il peut m'enfermer donc à double tour, se dit préfet, merci, merci. Car je suis un dément, oui. Vous devriez le savoir. Et non pas un décent. Mais un dément. Dément, oui. D-E-M-E-N-T. Tu connais ton dictionnaire, connard? Peut-être fou, mais toi t'as pas d'éducation, merde. T'es killé, patate. Et je vous rassure, le chat est sorti donc dans ses souris. Si vous arrivez à danser, c'est dessus. Parce que là, faut y aller quand même. Vous pouvez vous exprimer par le corps, si vous y tenez vraiment, absolument. Et comme je le précisais déjà avant... personne n'est obligé de ne rien faire, tu vois. Tout le monde est obligé de faire quelque chose dans ce monde de merde, je précise. Donc ce monde de merde, souligné de merde. Oui, petit con, va te faire enculer. Merci. Ce que j'aime dans le professorat, c'est professer des âneries, surtout. Ah merde, ça faisait le reste de la musique quoi. Allez, au fin enculé, je ferai jamais de musique, t'entends? Jamais t'entends, bordel de merde. Musique, va te faire foutre. La musique, je chie dessus. La musique, c'est ma vie. T'es enculé, bâtard. Traître. Ça y est, l'eau, c'est fini. Oui, l'eau, c'est fini, je vous jure. Vous entendez plus d'eau là? Il y a plus d'eau qui coule sous les ponts. Quelle importance? À présent de la musique, de la belle musique. Oui, vous pouvez me faire confiance, je vais vous mettre de la belle musique. Donc voilà, c'est parti. C'est fini la musique, en avant le bruit. Ça va, vous plaignez pas trop, on a eu de la musique. Hein. une éructation, donc toujours emblème traditionnel de l'émission Nuisance, au pluriel avec un S entre parenthèses à la fin, sur Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. Je suis tenu par la loi de vous informer donc que vous écoutez une radio associative libre Canal Sud toulousaine ou française si vous êtes sur le web ou à Toulouse. Maintenant, écoutez bien la fin de cet enregistrement. C'est magnifique. Il y a un magnifique Larsen, vous entendez ? Une magnifique gamme inversée, donc descendante, sur trois notes. C'est magnifique, magnifique. C'est beau. Voilà, c'est fini. Vous avez eu donc de la musique deux fois dans cette émission. Quel bonheur ! Quel bonheur ! Je vous envie tellement. Donc, en parlant d'envie, je n'ai absolument pas envie de faire quoi que ce soit. Je ne vais donc pas me forcer. Voilà. Donc, pour vous préciser, donc ceci est une émission de libre improvisation bruitiste, si possible, expérimentale au moins. Je devais donc m'assurer que vous ne comprenez absolument rien à ce que je vous dis pour passer tantôt, donc après ce court intermède silencieux, à un autre CD que donc j'ai enregistré avec des amis. Donc salut Black, salut Yo, salut Al, moi-même. Je vais donc presser le bouton pour démarrer la lecture de l'enregistrement. Vous m'avez compris ? Vous m'avez bien compris ? Je voulais que je répète peut-être ? Non, pas l'enregistrement de la lecture, la lecture de l'enregistrement. Oui, c'est bien, c'est bien. Suivant. Une question ? Vous entendez donc du hard rock mémorable. Doublé de je ne sais quoi. Vous n'aurez toujours pas la chance de comprendre ce qui se passe. Quelle tristesse pour vous, j'imagine. La grande tristesse en vous. Eh bien, que ça rentre avec joie, vous ne serez jamais heureux si vous ne cultivez pas le bonheur. Le malheur, quant à lui, il n'y a pas besoin de le cultiver. Donc, bonne chance à qui entendra. Boire du cognac en sirotant les fraises, tout cela en me moquant de vous perpétuellement. Je suis assez fier. Ça rime pas avec les fraises, mais j'en ai rien à foutre. Et ça rime avec poutre. Il y a une douceur en ce monde, vous en étiez témoin. La douceur de la morbidité. La douceur de la destruction, de la dégénérescence civile. Et la grande suavité de la mutation génétique. Nous mutons. Encore et encore. Quel bonheur. Je mute, tu mutes, il, elle, on mute, nous mutons, vous mutez, il, elle, mute. Avec ENT. Conjuguons le verbe muter comme paramilitaire. Protégeons les civils de leur anxiété en les menaçant d'une arme. Ou avec, tout du moins. Tiens, prends cette arme et tire-moi dessus. Civil, tu n'es bon donc à rien. Tu es donc bon à rien, civil, même pas à tuer ton prochain. Espèce de lâche. Oui, tu es un lâche. Une lâche. Prenez les guns et soyez vous-même. Tuez les gens, soyez vous-même. tuer les gens, protégez-les d'eux-mêmes. Voilà, bon, c'est dit. Maintenant, nous allons entendre toujours la même chose, donc du hard rock purulent avec des bruits dissonants. S'il en est. Ah, j'ai entendu la bonne nouvelle, donc quelqu'un va être enceint, et quelqu'une aussi, teux. Donc, bienvenue à ce monde, petit enfant putride. Tu vas sentir mauvais du cul et puer de la bouche, tant que tu n'auras pas de brosse à dents. Ensuite, quand tu auras découvert la brosse à chiottes, tu te la foutras dans le cul, tout en marmonnant des prières sanctifiées par le saint pape Benoît je ne sais combien. Et Benoît, écoute-moi. Benoît XVI, oui, ou je ne sais quoi, va te faire enculer, oui. Et c'est ce que tu vas dire au pape un jour quand tu le rencontreras, mon petit ou ma petite. C'est ce que tu lui diras. Et tu seras désavoué de l'Église catholique. Cathodique, pardon. L'Église catholique sera celle de tes mœurs et déboires. Et tu verras ton père et ta mère te frapper. Te frapper avec une verge en or. Une verge, donc, c'est un bâton. Une verge en or sanctifiée. Voilà, en fait, ça veut dire qu'ils te puniront parce que tu auras fait le con, tu leur auras menti, parce que tu voulais des Smarties en plus. Et ce jour-là, quand tu n'auras pas eu ton téléphone Blackberry ou je ne sais quoi Blueberry ou Blueberry à je ne sais quoi plante, tu vois, c'est ce jour-là que tu verras que tout est inutile, tu vois. Et donc, ton papa et ta maman, ces tas de merde, vont se faire enculer à sec par tout le monde. Et toi, tu seras content, car comme dit Jésus, celui qui n'a pas tué son père et sa mère ne peut me rejoindre dans le royaume des cieux. Comprenez vos frères et sœurs aussi. Donc, si vous tuez vos frères et sœurs, et votre père et vos mères, si tant est qu'il y en ait plusieurs, eh bien, vous rejoindrez peut-être le royaume des cieux. Peut-être. Le paradis, quoi. Terrestre. Oui. Le Valhalla. Avec de l'hydromel et des meufs à poil. Donc, c'est super pour les homosexuels féminines ou pour les hétérosexuels mâles. Quant à moi, je n'en ai absolument rien à foutre. Je préfère me branler. Voilà. Je vous le dis franchement, sincèrement entre nous, je préfère me branler qu'attraper toutes ces sales maladies là qu'on nous informe depuis les années 80, que tous les PD chopent, ces enculés quoi. Oh, moi je suis pas un PD, moi je suis pas un enculé quoi. Voilà quoi. Et aussi les, oui, pensons aux salopes aussi qui chopent toutes les maladies qui passent. Évidemment, ces sales salopes, moi aussi je suis pas une salope, tu vois. Moi je suis pas une salope. Moi je suis quelqu'un de bien, tu vois. Je suis pas une salope ou un PD ou un enculé ou une pute ou je ne sais quoi d'autre. Je suis quelqu'un de bien. Je suis un être humain. Oui, un être humain. Je suis donc quelqu'un de bien. Et c'est là le raisonnement qui est donc obtus. Voilà. Comprenez donc bien. Humanité rimerait donc avec bonté, mon cul. Humanité rimerait donc avec jovialité, mon cul. Humanité rimerait peut-être avec va te faire enculer. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Humanité, ça rime avec va te faire enculer. Toujours l'émission Nuisance, l'émission de libre expression radiophonique, nique. Et nique ni tête, toujours, dans l'émission Nuisance, avec un S à la fin entre parenthèses, l'émission de toutes les nuisances qui nuit au sens. Vous ne comprenez rien ? Parfait. La perfection est donc de ce monde. L'incohérence règne en maîtresse, toujours dominante sur cette sale race puante, humaine, pardon. J'aurais pu enlever le humaine et le... putain de puante, sale race de merde humaine. J'aurais pu enlever tout ça en fait. J'aurais pu dire juste oui. Oui, oui, vous m'entendez, oui. Et le message n'aurait pas été aussi clair, vous voyez. On n'aurait pas, été aussi cristallin. Voilà, cristallin, c'est le mot. Adamantin, adamantin, voilà, ça c'est le mot. Adam et Antin. Donc, l'histoire d'amour entre Adam et Antin. Donc, Adam et Ève, vous connaissez, mais Adam et Antin, voilà. Donc, Adam s'est tapé Ève, d'accord, parce qu'il a pris un trip dans une pomme. Elle lui a caché du GHB dans une pomme. Ça, on avait bien compris. Par contre, quand il fit son fils Antin, tu vois. Et ben à l'âge de environ 170 ans, quand Adam avait lui à peine 870 ans, eh bien Antin et Adam se sucèrent les bites les uns des autres. Oh oui, je sais, c'est un sacrilège de le dire, un blasphème blasphématoire, mais pourtant Adam a sucé la bite de son fils Antin, âgé seulement de 177 ans. Quel scandale! Et c'est à ce moment-là précis que Ève est arrivée, tu vois. Sauf que Ève, elle avait une fille, tu vois. Et elle a inventé le godemiché. Et le lubrifiant vaginal. Et le GHB. Et le LSD. Elle a aussi inventé la morora, tout ce qu'il y a de empoisonneux pour l'homme et pour les rats, voilà. Tout ce qui empoisonne les hommes et les rats, Ève l'a inventé, oui. La femme a tout inventé. Sauf la bonté. La bonté, c'est Adam qui donc a fait preuve de bonté en suçant son fils, Antin. Adamantin. Voilà donc la racine étymologique du mot Adamantin. Vous m'avez compris ? Malheureusement, je peux casser du catholique, du crétin, pardon, mais je ne peux pas casser du politique. Pourquoi ? Parce que censure oblige. Alors ne cassons pas les politiques. Les politiques sont les plus véreux de tous les rats, sales vicelards, pourris qui puent. Ça, on le sait déjà. Mais par contre, ils ne sont pas bons. Non, ça c'est sûr. Et ils ne sont pas bien non plus. Et ceux qui sont à notre tête, eh bien, ils ne voient que notre cul. Et ils nous enculent grave, tu vois. Mais ça, on le sait déjà. Je n'ai rien dit là. Tout le monde le sait déjà. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit de nom. Je n'ai pas dit de choses à censurer à part crotte ou bite de nez. Non, je n'ai rien dit. Fromage de bite peut-être. Fromage de bite peut-être c'est censurable. Mais à part ça, que me vaut cette censure? Cette auto-censure? Pourquoi me censures-tu toi, oh moi? Oui, pourquoi? Parce que tu n'es pas bon. Tu es un être humain. Et tu vas mourir dans ta purulence, dans tes furoncles, dans ta lèpre, dans ton sida. Eh bien oui, je vais mourir dans mon sida. Car une fois qu'on est atteint du sida, il reste moins de temps à vivre. Oui, et je vais mourir de ma lèpre, oui, c'est vrai. Et je vais mourir de tout ce que je vais, donc je vais mourir que. Mais dis-moi, de quoi vais-je vivre, connard? Eh bien, tu ne vivras pas. Tu mourras triste et malheureux, dans l'indigence la plus totale. Tu n'auras comme solution que de t'inscrire à l'église catholique, et de te pointer chez les crétins, pour leur dire des âneries, oui, des âneries. Des âneries tellement purulentes qu'elles te feront puer de la bouche, comme dirait Bouddha. Tous les menteurs puent de la bouche. Et aussi, Jésus a dit « Mange le lion pour qu'il devienne humain. » Eh bien, tu ne mangeras pas de lion, tu ne mangeras que du bouc. Et ce bouc deviendra toi-même. Et tu sentiras le bouc, car tu seras un humain bouc. Un bouc humain, un humain bouc. Oui, as-tu ton bouc, au fait, pour que je te montre la voie? Regarde ma voie, oui, ouvre la braguette de la voie. Oui, descend le caleçon de la voix, oui, suce la voix. Oui, c'est ça. Eh bien, allons se faire entuber par tous ces enculés qui nous enculent, nous, les mouches. Ce sont donc des enculeurs de mouches. C'est la seule possibilité que j'ai de m'exprimer en cette triste ère. Celle de la nonchalance déblatérante. N'oublions pas les cric-cric byzantins et les Grecs morts. Tous les philosophes stoïcisés, émancipés de leur être-té. N'oublions pas également les exégètes qui se sont encassés de la tête pour ne trouver absolument rien dans ce rien. Ceux qui ont démenti l'existence d'une science exacte et qui avaient tout à fait raison. Et celles et ceux, oui j'ai oublié celles également, qui n'ont absolument rien dit de cette existence. Qui avait raison? Vous avez donc eu la chance, la grande chance, d'écouter de la merde pendant à peu près 1h30, parce que je suis arrivé à 21h10 alors que je devrais arriver vers 21h. Donc vous avez écouté de la merde pendant à peu près 1h30, donc de la grosse merde. Voilà, parce qu'il a pris 10 heures, je peux dire grosse merde en français, plutôt que de dire big shit en anglais, puisque l'anglais on ne s'en suit pas ça en français, en France je veux dire. Et donc nous allons à présent écouter encore une fois, oui, encore un CD déblatérant d'ânerie et de stupidité. Toujours donc dans l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, donc les nuisances soniques comme je vous disais tout à l'heure. Ou les nuisances donc non soniques, ni queue ni tête. Toujours l'incohérence prédomine. L'incohérence dans une existence atrophiante. Vous m'entendez bien, vous entendez peut-être des voix en fond. Ceci n'est personne, absolument personne avec moi. Et d'ailleurs, je ne suis personne. Vous n'êtes personne non plus, car je vous traite comme mes égaux et mes égales. Nous ne sommes donc personne, ni rien d'ailleurs. Et nous allons écouter de la merde. Oui, de la merde. De la merde en boîte, comme dirait Jean-Pierre Coff, le fameux qui a fermé sa gueule après avoir eu apparemment des rétaliations de son parti politique ou je ne sais quoi. Nous allons écouter de la merde en boîte de 69 minutes et 52 secondes, 77 minutes et 55 secondes, et 76 minutes et 30 secondes et 67 centièmes. Voilà. Les trois sont en accéléré. Et vous aurez la chance de ne rien comprendre, d'absolument ne rien comprendre à ce qui se passe. Oui, je sais, vous êtes vraiment des vénards. Bon, assez d'accélérer, passons au ralenti. Voilà, donc de la musique, de la belle musique, de la grande et belle musique, pour vous tous les musiqueux, eux. Le bouton Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'avais passé le CD au ralenti. Cette malencontreuse accidentation ne se réitérera pas. Pas dans cette émission en tout cas, jusqu'à... Enfin j'espère en tout cas jusqu'à 23h que ça ne se réitérera pas. Quoique je puisse le faire exprès également. Et là c'était vraiment pas fait exprès, je suis vraiment désolé. Je vous laisse apprécier donc la belle musique, la grande et belle musique. La musique de Nuisance, donc Nuisance, l'émission de toutes les nuisances ou l'émission qui nuit au sens, à vous de voir, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Me baladant tranquille dans les minutes, je me dis qu'il n'y a rien qui me retient. Définitivement, les micros synthétiques, comme un cajon, pour le juste. Les minutes. Comme des auréoles, en voyant les termes géologiques, une empreinte de ces mots sympathiques, les coccinelles, les vérifères, les palissurelles, se mêlant avec les bambines, les girondelles, les réfugiés du phare. C'est l'écho. L'écosystème. Thank you. Pour rappel, donc, vous avez eu la chance, la grande chance d'écouter donc les sessions avec des potes à moi et d'autres de début mai 2011, donc cette année, oui, donc c'est tout frais. Et donc vous avez eu la chance d'écouter ça tout en même temps, oui, j'ai mis tous les CD en même temps. D'ailleurs, en parlant en même temps, je vais accélérer un peu pour que vous entendiez les autres CD en même temps que le premier, donc que je vous mettais tout à fait maintenant. Donc, pour préciser, ce sont des sessions bouddhistes tout à fait expérimentales et improvisées. Vous ne pourrez pas entendre ça sur autre chose que Canal Sud 92.2 FM, car ça ne passe pas ailleurs. Voilà, que ce soit clair. Sinon, à part ça, je vous souhaite à tous une très bonne vie. Et soyez heureux, surtout. Le plus important, c'est de s'amuser dans la vie. Il faut absolument s'amuser dans la vie, car la vie, c'est amusement avant tout, c'est légèreté, c'est bonté d'âme, jusqu'âme et datura. Thank you. Yeah. Il est donc 23h06 sur l'horloge de Canal Sud, la radio associative libre qui donne libre voix au cours de l'existence, donc dans l'émission Nuisance, cette même émission donc que vous écoutez en ce moment même, que je vous dis la vérité puisque je suis son producteur, je m'appelle Al, et vous avez donc écouté des sessions faites avec des potes pendant 2 heures, enfin environ 2 heures, puisqu'il reste à peu près 5 minutes avant que ce ne fasse exactement 2 heures que je suis là à vous casser les oreilles avec de la merde. Oui, de la merde. Et donc, en parlant de merde, je vais justement accélérer les choses un peu plus pour faire venir le producteur de l'émission d'après. Pour qu'il comprenne qu'à Canal Sud, nous avons besoin de vie, oui. Et dans le monde entier, nous avons besoin de vie sur canalsud.net. Et nous avons besoin de vie sur le 92.2 FM Toulousain, France, vive la France, Zig, Zig la France, oui. Oh non, j'arrête. C'était une expression artistique de mon dédain envers mes origines. Mais non mes origines françaises, mais bien mes origines américaines. Oui, je suis à moitié américain, un quart allemand et un quart italien. Vous voyez donc la fratrie Sid de les fachotides. Alors allons tous se faire, oui, enculés. Ainsi, l'émission Nuisance traite de sujets bruitistes, expérience sonique, nique, nique. Ainsi va la vie qu'à la fin elle se brise en mille éclats et les perles perlitent toujours au fond du pot avant de mettre du gravier dessus et du sable pour ensuite enrayer la machine avec des engrais biologiques. Tout ça pour avoir un résultat meilleur au goût et en production quantitative. Nous allons traiter du sujet de la météo. Il fera doux mais calme, ensuite énervé mais tout à fait agité dans l'après-midi, peut-être demain ou après-demain ou peut-être un autre jour. Et dans ces nuages toujours obstruant la lumière, nous verrons non obstruant que la placidité est de ce monde. Oui, la placidité. Je vous dis donc à bientôt, jusqu'à dans 3 ou 4 minutes. Que vous pouvez faire rimer en outre. Outre le fait que je n'articule point ce soir, ayant bu à peu près 2 litres et demi de whisky et ayant fumé 36 cigarettes, je ne puis préciser plus quelles sont mes activités en ce studio. Les bas-fonds du monde entier sont en moi. je les inclus en moi, car je suis un sous-humain comme tous les autres humains. Blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Thank you. Voilà, j'ai un micro que j'aime et que le soir quand je m'endors, je retrouve dans mon lit. Le soir quand je m'endors, je retrouve un micro dans mon lit et il est enfoui au fond de mon lit, bien au fond, oui. As I was saying to you earlier, I'd like to say fuck you and fuck this shit and fuck. Especially fuck this. Like fuck it, fuck. Yeah. Thank you. Bon, après tant de blabla. Et de fortitude. Nous allons ainsi cramoisir. Nous allons donc crever en enfer. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net quand il n'y a pas l'émission Nuisance.